Puissiez-vous, pour goûter de vrais contentements, l'un pour l'autre, à jamais, garder ces sentiments. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur, on est la liberté. Allons, madame. Allons employer toutes choses pour rompre le dessein que son cœur se propose.